On en est où? Je positionne nos hommes tout autour. Là et là. Ok. Et ton binôme, là, pourquoi il est tout seul? Pourquoi il est tout seul, ton binôme? On laisse jamais son binôme à découvert. Jamais, jamais. D'accord? Ne laisse pas ton binôme à découvert. Tu me verras jamais seul comme un schizo la tête ouverte. On se connaît depuis des années soif. On n'aime pas les boîtes, on va pas rapper dans tes soirées swag. Inséparables, on est sous des frères comme un trou d'éther. On a passé autant de nuits ouf que de journées de merde. Pas d'embrouille, tu peux nous appeler la paire, hein. On reste là, pourtant ça paie, hein. On marche ensemble puis qu'on est adolescent. Pour toi c'est le faux et je me mets adolescent. Au cas où ça tourne mal, votre reste de goût. T'inquiète pas pour la daronne, j'porterai ses courses. Premier qui jacte sur nous, qu'on me l'amène. Ta famille, je la respecte comme assez comme la mienne. Pas d'histoire de meuf, on a passé l'âge. Et même si ça marche, t'abandonnerai pas, je suis pas de ces lâches. Toujours la même quand y'a les problèmes. Pas besoin de le dire ou se faut-elle. On avance comme tel, on est des binômes. On sait qui tient les promesses. On est plus que des collègues. Tous ceux qui nous connaissent diront qu'on est des binômes. Même dans le pire des cas, des fois les flics débarquent. Quand on va cliquer ça, on le fait en binôme. Si tu veux Tesla, tu devras te faire l'autre. Mets ça dans ta tête, zinc, wesh, on est des binômes. Jamais seul, j'avance en coopération. On fait sans binôme, histoire qu'ils comprennent la son. On y arrivera même si la porte est raide. Quoi qu'il arrive, c'est pas demain que je te planterai. Toucher mon binôme, non je te le conseille pas. On a mis la barre haute, les rageux voudraient qu'on sépare. L'amitié ça coûte cher, c'est pareil, je l'affirme. Bien plus qu'un frère, t'es pareil de ma vie. On est des frangins, on sort le grand jeu. On est comme les anciens, ouais sauf qu'on se défend mieux. Cousin essentiel, c'est de faire le bien. Mais je me sens mal quand je sais pas ce que mon frère devient. Mon binôme, c'est mon ref, c'est mon deuxième bras. Pas du genre à se prendre la tête pour un je n'aime pas. T'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je serai là, tu sais. Si y'a de là, je serai pas témoin, je serai l'accusé. Toujours la même quand y'a les problèmes. Pas besoin de le dire ou se faut-elle. On avance comme tel, on est des binômes. On sait qui tient les promesses. On est plus que des collègues. Tous ceux qui nous connaissent diront qu'on est des binômes. Même dans le pire des cas, des fois les flics débarquent. Quand on va cliquer ça, on le fait en binôme. Si tu veux Tesla, tu devras te faire l'autre. Mets ça dans ta tête, zinc, wesh, on est des binômes. Non, m'en veux pas si je t'ai déçu, frère. On m'a dit prends sur toi, c'était pas facile. Ouais, mais j'ai su faire. Avec le temps, on a construit une amitié durable. Toi et moi, on est des frères, on s'en bat les couilles du rap. Et sous des frères, on s'en fout des fous des traîtres. Quitte à rapper solo, je préfère rouiller sous mes textes. On se capte sans crédit, ouais, y'a pas de blême pro. On connaît les spaghettis et les repas ghetto. Dotation, faut pas que j'morde à la barre. J'capte mon frère quand j'ai mort à la plage. Mon binôme, c'est mon ref, c'est mon si à moi. Il me parle pourtant, c'est rare quand on se fie à moi. J'débarque sans permis. Vas-y, viens me chercher. Tant que j'quitte avec mon frère, j'ai pas besoin de percer. Envoie deux joints d'escrasse. On quitte la planète car on a besoin d'espace. Toujours la même quand y'a les problèmes. Pas besoin de le dire ou se faut-elle. On avance comme tel, on est des binômes. On sait qui tient les promesses. On est plus que des collègues. Tous ceux qui nous connaissent diront qu'on est des binômes. Même dans le pire des cas, des fois les flics débarquent. Quand on va cliquer ça, on le fait en binôme. Si tu veux Tesla, tu devras te faire l'autre. Mets ça dans ta tête, zinc, wesh, on est des binômes. T'es à deux doigts de les choper. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais trop de trucs. C'était devenu trop dangereux pour les gros bonnets. Ils m'ont tous lâché. Pas François. Ils ont pas la même culture à Paris. C'est pas possible. Il a pas pu lâcher son binôme. François? On a même lâché le premier. Raconte. Bon, au départ, on a trouvé une femme morte qui sentait le pipi.